vous connaissez bien moi pas d'accord. Et puis je dis de pas vous accompagner ici, c'est pour qu'avoir posé jardin. Posé jardin là, les garçons posé jardin là. Si c'est vrai, c'est moi qui t'as aimé les gars où tu vends là, vous posé jardin là. Les garçons posé jardin là, posé les garçons posé jardin là. Si c'est vrai, c'est moi qui t'as aimé les gars où tu vends là.